Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit, Victor Hugo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour une seconde nuit consacrée à Victor Hugo. Je suis un homme qui pense à autre chose, disait-il. Pour en savoir plus long sur cette autre chose et pour penser nous aussi à autre chose, nous avons demandé à Annie Lebrun d'ouvrir cette seconde nuit Victor Hugo. Annie Lebrun, parce que personne mieux qu'elle ne pouvait nous parler des ténèbres et des éblouissements si présents, si fondamentaux dans l'œuvre et les pensées de Victor Hugo. Bonsoir Annie Lebrun. Bonsoir. Et merci de nous accorder de votre temps pour nous parler de Victor Hugo. Annie Lebrun, davantage encore que comme une spécialiste, ne devrait-on pas vous présenter comme une amoureuse de Victor Hugo ? Oui, mais je ne suis pas toute seule. Oui, parce qu'effectivement, quand on commence à rentrer dans le monde de Victor Hugo, c'est un peu comme il le dit pour les montagnes, c'est à prendre ou à laisser. Et si on prend, on est embarqué. En 2012, la maison de Victor Hugo vous avait invité à dialoguer avec les collections du musée le temps d'une exposition dans la maison du poète, place des Vosges. À l'occasion de cette exposition, fut édité votre livre « Les arcs-en-ciel du noir » reprenant le titre de l'exposition. Dans les premières pages de ce livre, vous écrivez qu'avant que le hasard ne vous conduise à voir en Victor Hugo l'inventeur d'une physique de l'infini, vous n'auriez jamais imaginé que l'arc-en-ciel puisse être une efflorescence de la plus sombre nuit. Comment et quand s'est faite votre découverte de l'arc-en-ciel du noir à travers Hugo ? Et qui était-il ? Que représentait pour vous Victor Hugo avant de voir en lui l'inventeur d'une physique de l'infini, Annie Lebrun ? Bon, il y a eu plusieurs moments dans l'approche de Victor Hugo. Évidemment, quand on est petit à l'école, on nous faisait apprendre des textes et lire des choses. Bon, ça m'avait pas tellement convaincu. Puis il y a eu la période où j'ai quand même commencé à lire les romans, et là j'étais complètement prise. Et puis bon, le temps a passé, et comme depuis que je commence un tout petit peu à réfléchir, je suis très fascinée par tout ce qui se rapporte à la nuit, aux ténèbres, enfin toute cette part obscure de nous-mêmes, même en deçà ou au-delà des approches rationnelles. Et en quelque sorte, on pourrait dire tout naturellement, je me suis rapprochée de Hugo. Et d'ailleurs, c'était aussi, comme j'ai été très liée à Jean-Jacques Pauvert en tant qu'éditeur de Sade, et on a longtemps travaillé ensemble, et Jean-Jacques Pauvert était lui-même très, très fasciné par Hugo. Donc c'est, au fur et à mesure, c'est venu dans nos conversations, et puis ça a été, c'est lui qui m'avait alerté sur ce livre, Le Promontoire du songe, et c'est comme ça que j'ai découvert à quel point Hugo était fasciné par les ténèbres, par le noir, et comme pour lui il s'agissait de quelque chose qui était une sorte de matière noire, d'énergie noire, et j'étais déjà complètement dans ces dispositions-là, quand le hasard a fait que Gérard Rodinet, qui venait de prendre la direction de la maison Victor Hugo, m'a proposé une carte blanche. Donc il s'agissait de promouvoir les collections de la maison Victor Hugo de Paris, où il y avait qui à peu près 400 dessins. Et quand il m'a dit ça, juste tout d'un coup, c'est venu comme ça, cette idée des arcs-en-ciel du noir. Et après, j'étais un peu... J'ai dit peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Enfin, je me suis bon. Et puis en réfléchissant, alors là, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment toujours laisser la bride sur le cou, si je puis dire, à l'inconscience, parce que bon, c'est pas du tout une découverte. Puis même Hugo a parlé des rayons et des ombres, etc. Et c'est toute la thématique de la nuit, de l'ombre est connue chez Hugo, mais Dès qu'on rentre dans son monde, on se rend compte que c'est tout autre chose qu'une thématique, qu'il s'agit dans le fond d'un mouvement qui fait que pour lui, La lumière vient de l'ombre et que tout se passe comme si cet arc-en-ciel du noir que j'avais tout d'un coup proféré, que j'avais inventé tout d'un coup, eh bien, prenait réalité parce que c'est comme si, eh bien, l'arc-en-ciel que nous connaissons tous, en quelque sorte, n'est que la moitié d'une immense circonférence qui plonge au plus profond de nous-mêmes, au plus profond du noir, c'est ça. Et alors, quand j'ai commencé à regarder les dessins de Hugo, et là, il m'a semblé encore peut-être plus qu'on l'avait fait jusqu'à présent, qu'il y avait une imbrication extraordinaire entre son activité, justement, de dessinateur et de poète. Et tout d'un coup, c'était plus du tout, on n'était plus de l'illustration, et que ce qui liait ces deux activités, eh bien, c'était le noir, c'était cette noirceur. Et puis, en travaillant, en relisant tout Hugo, forcément, tout d'un coup, je trouve dans des cahiers de dernière gerbe, ce qui est revenu sous le nom tas de pierres, tout d'un coup, je trouve cette phrase, l'encre, cette noirceur d'où sort la lumière. Alors là, je me suis dit que c'était gagné, quoi. Comment expliquer que ce soit la facette la plus pépère d'Hugo qui a dominé, alors que ce qu'il a écrit, ce qu'il a dessiné, nous semble jaillir d'un Big Bang, ou si j'ose dire, de l'origine du monde, Annie Lebrun? Oui, bah, c'est toujours plus facile de prendre le côté comme ça qu'on peut adapter un peu à tous les styles, si on veut. Parce que, bon, effectivement, Hugo est un personnage tellement divers, tellement riche. On peut, c'est un peu comme, d'ailleurs, comme ce qui s'est passé avec Sade, mais sauf que Sade n'est pas tellement rassurant. Mais chacun y prend ce qui lui convient. Bon. Mais, et surtout, on ne veut pas voir qu'il s'agit d'un personnage essentiellement tourmenté et qui semble-t-il, a une grande peine à quand même tenir une sorte d'équilibre. Et justement, quand il écrit alors ce texte, le promontoire du songe, autour de la question de l'imagination, qui est une partie qui n'a pas été intégrée dans son William Shakespeare, on se rend compte que c'est ça. Et quand il écrit William Shakespeare, c'est vraiment une sorte d'autoportrait. Il parle de lui. Et on voit bien à quel point il s'agit d'affronter ces forces incroyables qui sont en nous et qui correspondent aux mouvements les plus profonds et les plus violents de la nature. Et c'est ça. Et donc, quand il dit que, dans le fond, c'est que tout vient toujours de la tempête, que tout vient toujours du chaos, il y a continuellement chez lui, il y a toujours un chemin qui ramène au centre le plus, au centre mouvant, au centre inquiétant de tout. Et que, bon, on sait très bien que, par exemple, justement, une des phrases clés du promontoire du songe, et c'est quand il dit cette phrase tellement forte et qui, à mon avis, détermine beaucoup le rapport de Hugo au noir, c'est, je cite, « L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. L'homme qui médite vit dans l'obscurité. Nous n'avons que le choix du noir. » Hugo, en quête d'une énergie noire qu'il voit partout à l'œuvre, aussi bien dans l'homme que dans l'univers, écrivez-vous, quitte à atteindre le point où s'estompe toute différence entre folie et non-folie, sublime et grotesque, ombre et lumière. La folie chez Hugo est là, toute proche, chez son frère, chez sa fille, chez lui peut-être. Est-ce dire qu'il craint la folie, mais qu'il veut pouvoir la regarder en face, la tenir en respect? Oui, je pense que c'est ça, et que toute sa vie, il est hanté par cette question de la folie. D'abord, on connaît la folie de son frère, on connaît aussi la folie de d'Adèle, de sa fille. Et puis, il y a aussi toute cette enfance qui a été très traumatisante quand son père était dans les troupes d'occupation en Espagne et qu'il a vu des massacres, etc. Et toute sa vie, il va être complètement hanté par ce noir qui est là, cette nuit qui est là et qui est en nous et qui est en l'homme. Et je pense que il y a continuellement une sorte de une sorte de courage incroyable à essayer de ne pas du tout refouler ça, mais d'essayer d'affronter ça. Et il se rend compte que la grandeur de la poésie est aussi dans ce courage d'affronter, si on peut dire, nos propres fantômes, mais qui sont aussi ceux de la nature aussi. Vous avancez d'ailleurs, Annie Lebrun, qu'en cédant au début de sa vie à un certain conformisme, Hugo se préservait d'un trouble fondamental, d'une fascination pour ce qu'il sentait menacer le tréfonds de son être. Je pense que oui. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est de voir justement comment son évolution politique est complètement à l'inverse de celle de toutes celles qu'on connaît en général, que les gens commencent plutôt, sinon libertaire, du moins à gauche, et puis on assiste à une dérive tout à fait programmée, si on peut dire. Or, lui, c'est complètement l'inverse. Au début, il a des positions royalistes, et au fur et à mesure, il va à la fin, c'est lui qui va défendre, quand il est à Bruxelles, il va défendre les communards en fuite, et sa maison est attaquée par des gens, et il a plus de 70 ans. Et donc, et au fur et à mesure qu'il commence à découvrir le monde, c'est-à-dire sensiblement, tout d'un coup, il sort, c'est ça qui est très fort chez lui, il sort de tout carcan idéologique. Et il arrive justement à cette sorte de justesse qui est celle de la grande poésie. Victor Hugo voyant, Victor Hugo voit au-delà, c'est ce que vous dites. N'est-ce pas là sa principale faculté et ce qui fait la force de tout ce qu'il écrit et dessine et aussi de ses engagements et de son intelligence politique ? Oui, parce que d'abord, c'est un... ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que... c'est l'attention qu'il porte au monde, aux êtres, à tout ce qui se passe. Quand, après, il va réunir ce qui n'est même pas du tout un journal, parce que quand on voit des choses, des notes au jour le jour qui vont apparaître sous le titre « Choses vues », c'est vrai. C'est-à-dire, il a vu les choses. Et c'est pas du tout la complaisance qu'il peut y avoir dans les journaux. Pas du tout. La vie est faite de ce qu'il voit. Mais il voit toujours au-delà par cette attention qu'il porte aux êtres, parce que pour lui, une des choses aussi très importantes, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder au dehors. C'est cette chose aussi très forte qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne commence à vivre et à penser et à respirer que dans cette sorte d'échange continuel avec ce que le monde vous apporte. Et immédiatement... le monde s'élargit de l'attention qu'on lui a portée. Et d'ailleurs, remarquable, c'est que Hugo est un très très grand marcheur. Et en tant que marcheur, il voit tout. Et c'est un marcheur aussi bien dans la nature, dans la campagne, au bord de la mer, mais aussi c'est un marcheur dans la ville. Et on sait combien il a... Tout d'un coup, il sait très bien qu'on ne vit que de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on vit de l'espace qu'il y a autour. Mais ça dépend de chacun, que cet espace soit restreint ou non. Et lui en avait quelque chose d'infini. Une force qui va, dit-il de lui. Hugo, ce sont des sens, une vitalité, une manière d'être au monde avec son corps, donc avec le désir, Annie Lebrun. Ah oui, c'est essentiel chez lui. Même s'il fait très, très attention à ce que ça ne se... voit pas, mais bon, on sait très bien aussi. Et sa vie amoureuse, on connaît sa vie amoureuse, et d'un autre côté aussi, dès qu'il commence à évoquer un personnage féminin qui plus ou moins le trouble, c'est des évocations de personnes extraordinaires, parce qu'il voit aussi ce que les autres ne voient pas. Et justement, il a eu beaucoup d'amitié ou de passion féminine, indépendamment de celle qu'on connaît. Et ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que je me disais, les unes et les autres ne se sont guère manifestées de façon désagréable, comme souvent autour des donjons, il y a des victimes. Et là, il semble que les unes et les autres ne se soient pas du tout vu en victime. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle, quand on commence à être avec lui, c'est particulièrement fascinant. C'est parce que il semble que Hugo comprend. Il comprend les personnes avec qui il est. Et ce n'est pas une femme, ce n'est pas... C'est tout d'un coup, il y a une personne singulière. Et vraisemblablement, ces personnes ont, avec lui, vécu ce qu'elles n'avaient jamais vécu avant. C'était que tout d'un coup, on a regardé leur singularité. Et de ça, elles leur sont très reconnaissantes, comme on lui est pareillement reconnaissante, de tout d'un coup, d'ouvrir un pan de la sensibilité que personne n'avait regardé ou ne l'avait regardé de cette façon-là. En particulier, disons, quand il s'agit de la langue, tout d'un coup, c'est dans Les Misérables, je crois, oui. Quand il commence à faire quelques pages sur l'argot, c'est absolument extraordinaire. Personne n'a parlé de l'argot comme ça. Et tout d'un coup, avec cette vie, avec cette vie incroyable dont il est capable de rendre compte. Et je pense, c'est de ça dont on lui est reconnaissant. Et sans doute, les femmes, ça devait être quelque chose comme ça. Au-delà du prestige qui s'y attache dans nos regards, son exil ne l'a-t-il pas fait plus grand qu'il ne l'aurait été sinon ? Ses 20 ans d'exil ne lui ont-ils pas permis, au fond, d'être ce qu'il devait être, d'aller aussi loin qu'il pouvait aller ? Son œuvre n'y a-t-elle pas gagné ? Je ne sais pas si elle a gagné, parce que, étant donné ce qu'il était, exil ou pas, il aurait été justement à la hauteur de ce qui se passait. Mais tout d'un coup, là, il a une posture extraordinaire. Et que, évidemment, tel qu'il est, dont il va avoir conscience. Et aussi, peut-être que cet exil aussi lui a donné une distance avec le monde comme il va, même s'il a fait ses... même s'il y a des textes enfin aussi importants et aussi virulents que Les Châtiments, etc. Mais il n'empêche, il y a eu cette maison qu'il s'est construite à Guernesey, et tout d'un coup, là, il a pu construire, en quelque sorte, le lieu mental, donner forme au lieu mental qu'il habitait. Et ça, je pense, ça lui a donné une force considérable pouvoir aller plus loin et pouvoir peut-être risquer encore plus d'aller regarder ce qui se passe du côté des ténèbres. Et vous dites, vous écrivez d'ailleurs, Annie Lebrun, de même que les grands textes de Victor Hugo agissent en profondeur par onde de choc, Hauteville House s'impose ainsi aux visiteurs. Oui, alors là, moi, je dois dire que j'ai, en quelque sorte, j'ai compris Hugo quand seulement, enfin... J'avais un peu compris quand j'ai commencé à m'occuper de lui, travailler à cette exposition. Mais c'est quand Gérard Houdinet m'a proposé d'aller avec lui à Guernesey, et que là, on est entré dans cette maison, là j'ai vu que de quoi il s'agissait pour Hugo, c'est-à-dire qu'il s'agissait justement de donner forme à ce qui le hante. Et que cette maison qu'il avait auprès de la mer lui a permis de trouver et de préciser quel est son espace. Et en particulier, donc, quand on regarde la maison, il n'y a pas un centimètre carré sur lequel il n'est intervenu. Mais il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace vide. Il y a du vide, mais tout est... C'est une sorte de concrétion que lui a de tous les côtés maîtrisée. Bon. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est la façon dont la maison est organisée, et c'est le fait qu'il a rajouté, si on peut dire, un étage supérieur, et qui est une verrière dans laquelle lui se trouvait et dans laquelle lui a écrit la plupart de ces, enfin tous ces textes de toute cette époque-là. Et c'est comme, ça ne ressemble à rien, mais c'est quand même l'équivalent d'un phare. Et on sent très bien que le personnage qui est là, qui a habité cette pièce-là, a choisi de se mesurer à l'infini du ciel, à l'infini de la mer, et il est là, et à l'infini de la lumière aussi. Moi, je me suis toujours eu la chance de me trouver à des moments où il n'y avait pas de visiteurs. Et il y a une telle intensité. Quand la lumière arrive, c'est tellement intense que il faut tenir le choc de cet éblouissement-là. Oui, vous dites qu'il a dû assister à des spectacles incroyables. Oui, oui. Et parce qu'en plus, la directrice de la maison Victor Hugo m'avait fait remarquer qu'il y a des miroirs. Il avait installé un système de miroirs et qu'un physicien qui était passé lui avait dit que c'était extrêmement subtil ce que Hugo avait mis en place. Donc il y a à la fois une exaltation de la lumière, donc après la nuit qui arrive, enfin, bon, il a un point de vue souverain sur le monde, mais en même temps au bord du gouffre. Et Hauteville House ne serait-elle pas la maison de l'outrance qu'il admirait tant chez Rubens? Oui, ben pourquoi pas, oui, bien sûr, oui. Comment en est-on arrivé à avoir en Victor Hugo un poète assommant, un écrivain quelque peu balourd et manichéen? Vous parlez-vous d'un anathème que la modernité aurait jeté sur lui? Oui, je pense, parce que aussi c'est aussi une génération qui avait été élevée avec les poèmes les plus, enfin les moins intéressants de Hugo, enfin justement cet art d'autre grand-père, enfin tout ça, c'est le côté une sorte d'officialité de donc je pense qu'il y avait un rejet, parce que c'était quand même un des éléments de la culture officielle et qu'on n'a pas du tout prêté attention à, enfin peu attention à l'excès par lesquels il était habité. Et c'est, je pense aussi que c'est en découvrant après ces dessins qu'il y a eu à nouveau ce retour. Et dans les années 50. Oui, et qu'on a commencé à regarder. Mais auparavant, les surréalistes, poètes ou peintres avaient reconnu Hugo? Oui, bien sûr. Et bon, il le connaissait très bien. Et un de ceux qui étaient très fascinés par lui, c'était Desnos. Bon, mais les uns et les autres le connaissaient bien. Mais il aura fallu aussi du temps, d'une certaine façon, pour revenir à Hugo. Sont-ils nombreux les écrivains, les poètes qui ont été, comme Hugo, en quête de cette énergie noire à l'œuvre dans l'homme et dans l'univers? Qui peut-on associer au nom de Victor Hugo? Bon, il y a quand même toute une part du 19e siècle, hein, si bien Nerval, et bon, ne parlons pas de Lautréamont qui lui envoie son chant de Mal d'Aurore, et donc c'est quand même, quitte après à ce que Isidore Ducasse prenne des distances avec Hugo, mais il a été complètement habité par la force poétique de Hugo. Et ne parlons pas de Baudelaire aussi, qui aussi prend des distances, mais qui ne peut pas ne pas reconnaître le personnage. Et en particulier, quand justement, comme on a parlé de la maison de Guernesey, il y a ce passage très beau dans une lettre que Baudelaire envoie à Hugo, et Baudelaire lui dit « On me dit que vous habitez une demeure haute, poétique, et qui ressemble à votre esprit, et que vous vous sentez heureux dans le fracas du vent, et du vent de l'eau. Vous ne serez jamais aussi heureux que vous êtes grand. » Bon, ça c'est en 1859, donc c'est quand même l'année des Fleurs du Mal que Baudelaire lui écrit ça. « Abîme, abîme, abîme, c'est là le monde », écrit Victor Hugo. Peut-on dire, à propos de lui aussi, soudain un bloc d'abîme? Y a-t-il un point, un territoire où Sade et Victor Hugo se rejoignent ou se frôlent, Annie Lebrun? Dans cette fascination pour les ténèbres, lui, oui, oui, certes, mais Hugo... Il avait lu Sade? Oui, mais je pense avec beaucoup de... Je ne sais pas bien quoi dire. Beaucoup de réticence, beaucoup de... C'était quand même aussi... Sade n'est pas seulement au bord du gouffre, il emmène dans le gouffre. Et je ne sais pas comment... je ne veux pas trop m'aventurer sur... Seulement dans les carnets, il y a une seule toute petite notation. Bon, plutôt, il y a une prise à distance pour lui. C'est comme si... on laisse ça de côté. À chacun des invités de nos nuits consacrées à Victor Hugo, j'ai demandé de lire un extrait de l'une de ses œuvres. Vous, Annie Lebrun, c'est un extrait du Promontoire du songe que vous avez choisi de nous lire. Peut-être pourriez-vous donc rappeler ce qu'est ce texte méconnu de Victor Hugo et de quelles circonstances il est né. C'est un texte de 1864 que vous avez préfacé dans son édition en 2012 chez Gallimard. Oui, alors donc, comme je l'ai dit, c'est le premier qui m'en a parlé, c'est Jean-Jacques Pauvert qui tenait ça justement pour un texte essentiel. Donc, ce qui est, c'est une partie du livre que Hugo consacre à William Shakespeare, qui est une, c'est un plaidoyer pour l'imagination extraordinaire. Et pour quelle raison n'a-t-il pas intégré ce texte-là? On ne le sait pas. Et puis quand on voit que aujourd'hui n'importe qui me fait valoir tous les petits bouts de papier, alors que Hugo se paye le luxe de mettre de côté un texte comme ça, ça laisse rêveur sur l'état des choses. Donc quand j'ai lu ce livre, j'ai été complètement éblouie. C'est un texte où Hugo raconte que dans les années, je crois, 1835 ou quelque chose comme ça, son ami Arago, qui dirige l'observatoire, lui fait savoir qu'il y a un nouveau télescope qui grossit de 400 fois et qui permet de voir la Lune. Et il invite Hugo à venir voir ça. Et évidemment, Hugo s'y rend tout de suite. Et là, il va être complètement stupéfait par le spectacle qui lui est donné à voir et cette occasion de voir les reliefs, les montagnes qu'il y a sur la Lune, et en particulier de savoir par Arago que l'une de ces montagnes s'appelle le promontoire du songe, lui donne l'occasion de faire ce texte splendide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte-là, il ne va l'écrire que pratiquement 30 ans après la visite à l'observatoire. Nous vous écoutons. Donc au début, Arago le met devant le télescope et Hugo ne voit rien, parce que le télescope est dirigé vers un point de la Lune qui n'est pas encore éclairé. Et là, Arago lui dit « Regardez, je suivis l'exemple de Dante vis-à-vis de Virgile, j'obéis. » Peu à peu, Marétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machines nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle, ma pupille se dilata, mon œil s'habitua, comme on dit, et cette noirceur que je regardais commença à blêmir. Je distinguais quoi ? Impossible de le dire. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil, pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela. Puis, la visibilité augmenta. On ne sait quelles arborescences se ramifièrent. Il se fit des compartiments dans cette lividité. Le pâle à côté du noir, de vagues fils insaisissables marquèrent dans ce que j'avais sous les yeux des régions et des zones, comme si l'on voyait des frontières dans un rêve. Pourtant, tout demeurait indistinct et il n'y avait d'autre différence que du blême au sombre. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. C'était toute la quantité de contours et de reliefs qui peut s'ébaucher dans la nuit. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible, et cependant, le réel était là, je touchais les plis de mon manteau, j'étais moi, eh bien, cela aussi était. Les poètes ont créé une lune métaphorique, et les savants une lune algébrique. La lune réelle est entre les deux, c'est cette lune-là que j'avais sous les yeux. Oui, cette chose est, il semble qu'elle vous regarde, elle vous tient. La perception du phénomène devient de plus en plus nette. Cette présence vous serre le cœur. C'est l'effet des grands fantômes. Le silence accroît l'horreur, horreur sacrée. Il est étrange d'entrevoir une telle chose et de n'entendre aucun bruit. Et puis, cette chose se meurt. Le mouvement déplace ses linéaments. L'obscurité se complique d'effacement. L'énorme simulacre se défait et se recompose. Impossible de distinguer rien de précis, impossible de détacher ses yeux de ce monde en spectre. Quel deuil, quelle brume de gouffre, quelle ombre, cela n'est peut-être pas. Tout d'un coup, j'eus un soubresaut, un éclair flamboya, ce fut merveilleux et formidable. Je fermai les yeux d'éblouissement, je venais de voir le soleil se lever dans la lune. Pourquoi avoir choisi le promontoire du songe, Annie Lebrun ? Parce que Hugo, là, nous donne une extraordinaire leçon pour voir, pour regarder et pour voir, et pour aussi savoir que ce que l'on voit et de la façon dont on le voit dépend la façon dont on va vivre. Et comme lui dit, comme on fait son rêve, on fait sa vie. Et là, il a rêvé, il a vu et rêvé à partir de la lune. Et il semblerait cette visite qu'il a faite justement à l'observatoire a été déterminante pour lui, puisqu'il le dit à un moment dans le texte, il dit « Cette vision est un de mes profonds souvenirs », et c'est 30 ans après qu'il dit ça. Qui que vous soyez, vous avez en vous une prunelle fixée sur l'inconnu et que l'infini engloutit sous son rayonnement. Une phrase telle que celle-ci, et il y en a beaucoup d'autres chez Hugo, aurait pu être écrite sur les murs de 68, Annie Lebrun. D'une certaine façon, oui, parce qu'il s'agissait d'extravaguer. Oui. Et puis, parce que aussi, Hugo rappelle que chaque personne a en soi ce sens de l'infini. Et que c'est demander l'impossible. Hein. Et c'est ça. Vous prenez vos rêves pour la réalité. C'est de ça aussi dont parle Hugo. Donc, effectivement, on n'est pas très loin. Si elle doit mener quelque part, la poésie n'a pas d'autre sens que de mener vers ce que nous ne savons pas voir. Cette phrase, ce n'est pas Victor Hugo qui l'a écrite, mais vous, Annie Lebrun, il y a maintenant quelques années, dans votre livre « Appel d'air », une phrase qui est une parfaite définition de la poésie de Victor Hugo, non ? Hugo dont le lyrisme serait un appel d'air ? Bah oui, oui, oui. Et puis aussi parce que aussi c'est quelque chose de très rare et qu'à un moment, il m'a semblé que justement Hugo avait... Peut-être à cause de cette perception-là des ténèbres sans fond qui nous habitent, qu'il a une sorte de sens de l'infini, comme on dit, des gens ont le sens du rythme. Lui, il a le sens de l'infini. Bon, je pense qu'on l'a tous, sauf que tout est fait, la vie ou le monde comme il va, est fait pour qu'on le perde, pour qu'on oublie qu'on ait sens de l'infini. Donc c'est pour ça que c'est très important de quelquefois de se reporter à Hugo pour que se souvenir qu'on a ça en soi. Merci Annie Lebrun. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette seconde nuit consacrée à Victor Hugo. Dans un instant, avez-vous lu Victor Hugo avec Alain Badiou, cinquième d'une série de 6 lectures publiques au Palais de Chaillot en 1985. Victor Hugo, Histoire d'un crime, un numéro de l'atelier littéraire de Pascal Casanova en 2009. Des extraits de Hernani de Victor Hugo avec Pierre Brasseur et Maria Cazares dans Petites histoires du théâtre d'amour en 1947 sur la chaîne parisienne. Dans 2h30, nous retrouverons Judith Pérignon, auteur de Victor Hugo vient de mourir, et Annie Lebrun. Nous vous retrouverons juste avant la fin de cette nuit. Vous êtes bien belle et je suis bien laid.